Il m'a semblé nécessaire d'avoir une petite pensée pour les mal-aimés de notre société. Je veux parler des poils pubiens. Sournoisement malmenés au quotidien, après avoir des siècles durant rempli la difficile mission de protéger l'intimité des humains d'attaques bactériennes en tout genre. Ces vaillants défenseurs ne méritaient pas un tel acharnement. C'est une cruelle ingratitude qu'ils ont arrachée ou décapitée sous l'effigie d'une nouvelle norme qui apporte avec elle son lot de désagréments. Évidemment, les touffes brutalisées ne sont pas dupes sur les raisons de cette abnégation. Matériellement, il est dorénavant impératif que le terrain de jeu soit propre, car il semblerait qu'un poil qui se perd dans la bouche, c'est l'horreur. Surtout pour le poil. Pourtant, en y réfléchissant bien, dans les faits, ce n'est certainement pas ce qui est le plus dégoûtant dans cette histoire. Il n'est probablement pas nécessaire de vous faire un dessin sur la composition des fluides échangés lors de nombreux ébats, et surtout de s'attarder sur l'origine de leur production qui n'est pas toujours contrôlée. Ce qui désole également ces pauvres martyrs, c'est que les dictats de la mode empêchent d'avoir des poils au cul, tout en fanatisant les visages défigurés par des colliers sauvagement fournis, style Cro-Magnon, au point que la femme à barbe ne reconnaîtrait plus son petit dans la mêlée. Mais bon, ça aussi c'est certainement pour l'hygiène. C'était Evan Matisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes.